Grâce à toi, j'ai ouvert les yeux. Le paradis est aux cieux. Tu m'as pris pour un jeu. Tu plais, je ne vois rien dans tes yeux. Rien ne consolera mon cœur. Pourquoi tant de douleur? Oui, pourquoi tant de douleur? Je suis au secteur, je vois les gens passer. Je compte les amants blessés. Tu fais partie de mon passé. Mais de l'encre, j'en ai. Je peux me permettre de l'amener. Oui, je me rappelle de tout. Ma princesse a abdiqué. Et moi, comme un fou, ces paroles j'ai prononcées. Ces paroles j'ai prononcées. Du gangsta rap, c'est facile à faire. Je suis d'ici, j'habite en enfer. Cupidon passe des savons, c'est ni oui ni non, ai-je des regrets? Je me vois sur le panthéon, pas de célébration. J'ai même pas la clé du moteur. Je me rappelle des récréations, de tout c'est mon cœur. Je vis avec cette douleur. C'était vraiment un adieu, je vois ces bouquets de fleurs. Mon âme a vraiment pris feu, je vis avec cette douleur. C'était vraiment un adieu, je vois ces bouquets de fleurs. Mon âme a vraiment pris feu, bateau, bateau. Je suis monté, y'a rien à gagner. Tout est oublié. L'essentiel c'est que je vis ma vie. Y'a plus de sourire. Y'a plus de paradis. Bateau, bateau. Je suis monté. Y'a rien à gagner. Tout est oublié. L'essentiel c'est que je vis ma vie. Y'a plus de sourire. Y'a plus de paradis. Nigga.